frappe trop des faux qu'à fond d'une image qui n'est pas la leur. Je parle du cœur, mes gars ne connaissent pas la peur. Je débarque, je fume un pédo et je disparais dans la vapeur. C'est N-A-T-A-N, directement de la ville de Vienne. Toi-même tu sais que moi je débarque et je redevine, moi je te quête. On mène du frère à de la hure, on voit des coups durs et puis je représente ma culture. On a trois manières de faire les choses, des pauses, des rimes en bête, on boule les rues de ma ville. On part de la racine, tu connais le deal. Fils des rappeurs qui se déguisent sur le plasma, matérialise, disent des sottises. Mais la vie est grise, plus que rose, c'est pour ça qu'on pose, avec la matière grise. Inspiré du visuel, pas du virtuel. Appelle nous les visionnaires, prisonniers de cette époque où la mode des socks se limite à exhiber son glove. Avance, chargeur plein, mais la tête vide. Dans mon avis, ce n'est pas la bonne technique. Le chargeur plein, mais la tête vide. Dans mon avis, ce n'est pas la bonne technique. Moi je te vois même pas, N.A.T. Erika qui débarque sur le tempo. Frère reconnaisse frère, moi je te vois même pas, N.A.T. Erika qui débarque hey yo, sur le tempo. Hey yo frère reconnaisse frère, moi je te vois même pas, N.A.T. Erika qui débarque sur le tempo. C'est quoi le blême bro, pourquoi tu veux des tests? Je balance des impros qui sont mieux que tes textes. Nique l'arithmétique, je préfère la rime mythique. Je me méfie des types qui baratinent trop pendant qu'on médite. J'applique la méthode profonde, tu peux pas confondre. Erika y'en a qu'un dans ce monde, je lâche des lyrics comme des grosses pompes. Avec le chargeur plein, la tête vide, quoi de plus stupide? T'es étonné si ça pète, tu prends des piges. Le monde s'écroule, ton chargeur plein, la tête vide. Au final, ta récolte ne remplira même pas ton bide. Je fais le vide en moi, libère mon esprit, garde ma philosophie près du cœur. Nos lyrics sont garantis pour plusieurs heures. On garde nos valeurs en chassant nos peurs, car nos parents nous ont toujours appris de vivre avec bonne humeur. Hey yo, la parole dans le quartier, tu cherches la merde avec la base, même fils de pute, c'est parti. On partage nos peines, nos haines et puis nos pifs. On fume tellement de spliff qu'on chope le vertige du pige. Fiche cette image, car la base ne change pas de visage. On libère le vrai hip-hop de son putain de sarcophage. Des rimes de dingue au pic, on garde nos tétiques. On construit des buildings, balance chacune des lettres comme une brique. Comme tout jusqu'à la mort, bébé.